Quotidiennement sur eux on prend de l'avance. Chez nous la route ne rentre pas dans ta danse. Ni qu'un miracle, ni gros, ni que la chance. 667, le mort sur la France. Le futur est dans la 6-sec, négro. Supra, mec, on se vision comme X-Men, négro. Puis, après la première fournée de mixtape, négro. Marco, Calvin, dans le jet, dans la Jeep 7, négro. Shenzhen, tu me connais, salope, tu sais que j'ai le haki. Débarque dans cette mer déterminée comme les frères Gatti. Marine noire camouflage kaki négro sur ma combi. Maîtrise les combis. J'fous des zombies avec mes zombies. On veut peser comme les Rothschild. Diamant noir, lingot d'or dans les coffres, bitch. Débarque sous shit. Souligne comme Gucci. Sans stress, les graillants de spi comme des sushis. Négro, j'arrive comme Moussama en Afghanistan. Cannabis plante, tireur d'élite, touche crâne à distance. Triangle sur chaque talisman, je prends soin à la secte. Shenzhen, je me sens comme un grand gourou. SO, kicks, kaki, mais négro te saute comme des kangourous. Quotidiennement, sur eux, on prend de l'avance. Chez nous, garou, rentre pas dans ta danse. Nique un miracle, négro, nique la chance. 667, le nord sur la France. Le futur est dans la 6-sec, négro. Supra, nec, et cette vision comme X-Men, négro. Puis après la première fournée de mixtape, négro. Blend dans le jet, dans la Jeep 7, négro. MMS, à Dakar, comme la Mara au Salvador. Son micro découpe avec le flow à Dark Vador. Shenzhen, capitaine comme le fil. Prends la concurrence comme mes films. R.E.P. pas de fuck, Jay-Z, fuck, Perfi. Gardez un peu, Roya Olin. Dans la trap house comme ATL. Victor, tracé, la bien. S.O. à la VN. Écoute, audio dope comme crack quand t'écoutes. Addict dès qu'il découvre, comme on le carry sous la pluie, j'évite les gouttes. Gardez. Grosse ninec, sur la prod fait comme soubillage. Sous soubillage, le petit fabricard de son soubillage pour les sous soubillage. Tu peux pas me voir ça alors, je suis comme un hologramme. Vite, tiens, je suis pas comme toi, je vendrai jamais mon âme pour un monogramme. Quotidiennement, sur eux, on prend de l'avance. Chez nous, garou, je rentre pas dans ta danse. Nique un miracle, négro, nique la chance. 667, le mort sur la France. Le futur est dans la 6-sec, négro. Supra, nec, pour cette vision comme X-Men, négro. C'est la première fournée de mixtape, négro. La pour, t'as le blender, le jet, t'as la deep set, négro.